بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي هدانا للإسلام نلوم الله تبارك وتعالى celui qui nous a guidé vers l'islam وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أفلح من هدي للإسلام. Il a été avéré du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: certes, a réussi celui qui est guidé vers l'islam. وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بكونهم يعترفون بهداية الله لهم. Allah تبارك وتعالى a décrit les croyants par le fait qu'ils admettent le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui les a guidés. Lidha idha ra'aw al-jannah. Et c'est pour cela que lorsqu'ils verront le paradis, ils diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ils diront Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui nous a guidés vers cela. Et nous n'aurons pas pu suivre la guidée si Allah ne nous avait pas guidés. Falhamdulillah. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, la in shakartum le azidannakum. Si vous remerciez, je vous augmenterai. Et donc si on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour le fait de nous avoir guidés, il va accroître notre guidée. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الناس كانوا أمة واحدة. الله تبارك وتعالى a cité que les gens faisaient partie d'une seule et même communauté. Ils n'étaient pas divisés. كلهم على التوحيد. Ils étaient tous sur le tawhid. Puis est venue la division. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Alors Allah a guidé vers la vérité ceux qui ont cru à celle-ci. Il les a guidés vers la vérité sur laquelle les autres divergèrent. Et certes, Allah guide qui il veut vers une voie de rectitude. Ibn Kathir, rahimahullah, il cite dans le tafsir de ce verset une invocation qui est connue dans la communauté musulmane, même si ce n'est pas une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'du asanidi hadha ad-du'a yasiluna ila Umar radiyallahu an. Et certaines des chaînes de transmission de cette invocation montent jusqu'à Umar radiyallahu an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. O Allah, montre-nous la vérité. Montre-nous la vérité en toute vérité. C'est-à-dire que la vérité, on voit qu'elle est vraie. Tu ne penses pas que cette vérité, c'est une déviance. Parce que parfois, certaines personnes peuvent voir la vérité. Ils peuvent voir la vérité devant leurs yeux, mais ils la voient comme un égarement. Ils pensent que cette vérité, c'est un égarement, c'est une déviance. Parce qu'ils n'ont pas la clairvoyance. Ils n'ont pas la clairvoyance. Ils se retrouvent à être comme ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a décrit en disant Al-munafikuna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Les hypocrites, les hommes et les femmes parmi eux sont alliés les uns les autres. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. Les choses se sont mélangées. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. Ils voient quelque chose de mal, eux ils le voient en bien, alors ils vont ordonner ce mal. Ils voient quelque chose de mal et ils voient quelque chose de bien, mais eux ils le voient en mal. Alors ils vont interdire ce bien. Et donc il est important, chers frères, qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on lui implore, qu'on lui demande de nous accorder la guidée. Et certes, on vient de finir la prière. avec la récitation de surat al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie de rectitude. Wa qad jaa fi sunan Abi Daoud أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل. Il a été cité dans le Sunan d'Abi Daoud que le prophète صلى الله عليه وسلم il priait la nuit. Et dans sa prière nocturne, lorsque les gens dorment, dans sa prière nocturne, il disait صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. Oh Allah, Seigneur de Jibril, Mikaïl et Israfil, celui qui a créé les cieux et la terre, Alim al-Ghaibi wa shahada, celui qui connaît le monde apparent et caché, Tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, tu juges d'entre tes serviteurs dans ce sur quoi ils divergeaient. Ihdini لِمَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكِ. Guide-moi, il disait sallallahu alayhi wa sallam, guide-moi vers la vérité sur laquelle les gens divergent. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Certes, tu guides qui tu veux vers une voie de rectitude. Oh, chers frères, il est important qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir guidés vers l'islam. Mais qu'est-ce que l'islam ? L'islam, c'est la sunna. Comme il dit le Barbahari, rahimahullah, al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam. L'islam, c'est la sunna et la sunna, c'est l'islam. Et certes, nous voyons que la communauté musulmane s'est divisée. Et nous nous rappelons le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Celui d'entre vous, il s'adresse à ses compagnons, celui d'entre vous qui a une longue vie après ma mort, verra beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous donc à ma sunna. L'islam, c'est la sunna. Accrochez-vous donc à ma sunna ainsi que celle des califes, bien guidés. Elle dit sallallahu alayhi wa sallam que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Kulluha finnari illa wa'ida. Tous dans le feu sauf un. Quel est ce groupe sauvé ? Man kana ala mithli ma ana wa ashabi, celui qui a la même pratique que moi et mes compagnons. Nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir placé sur notre route des personnes qui nous montrent et qui nous enseignent la sunna. Comme cela a été rapporté des salafs, min ni'matillahi ala al-'abdi an yarzuqahu biman yurshiduhu ila sunna aw biman yu'allimuhu sunna. Il fait partie des bienfaits d'Allah sur le serviteur le fait qu'il lui accorde quelqu'un qui lui enseigne la sunna. Dans certaines narrations, il fait partie des bienfaits d'Allah sur le nouveau, celui qui vient se convertir. Qu'Allah lui montre, qu'Allah lui accorde une personne qui lui enseigne la sunna. Parfois, dans certains endroits, je ne dis pas en France, je dis dans le monde, des personnes peuvent se convertir et tomber sur un imam qui va leur enseigner des déviances, le soufisme, des innovations et autres. Alors ces gens pensent que c'est ça la guidée. Ils pensent que c'est ça l'islam. Et ils vont suivre cela. Rappelez-vous le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu an dans Sunan Abi Daoud. Kayfa antum idha labisatkum fitna? Comment serez-vous lorsque vous serez pris par une fitna? Yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir. تتخذها الناس سنة أو يتخذها الناس سنة. Comment serez-vous lorsque vous serez pris dans une par une fitna, une fitna dans laquelle va grandir le petit, le jeune, et va vieillir le vieux, une fitna qui va durer longtemps, et les gens vont prendre cette fitna pour une sunna. Ils penseront que c'est ça la sunna. C'est ça la sunna. Depuis qu'on est tout petit, on fait ça. Depuis qu'on est tout petit, c'est comme ça chez nous, dans nos pays. C'est ça la sunna. Et si on change cette sunna, alors si on change cette fitna, alors les gens diront, une sunna a été changée. Si quelqu'un vient pour leur dire, non, ne faites pas ça, mais suivez plutôt la voie du prophète Mohammed. Ils diront, lui, il nous appelle à autre chose que la sunna. Il nous appelle à quelque chose de bizarre, à quelque chose d'autre. Parce qu'ils pensent que c'est ça la sunna. Alors les gens ont dit, mais ça sera quand ça, oh Ibn Mas'ud ? إذا قل فقهاؤكم وكثر قراؤكم. Lorsque vos savants diminueront et que les récitateurs augmenteront. Il y a des récitateurs partout, des écoles de récitation du Coran. Mais où sont les ulama ? يرحمك الله. وإذا كثر أمراؤكم وقل أمناؤكم. Lorsque vous aurez beaucoup de amis, c'est-à-dire il y aura beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup d'argent dans la communauté musulmane, mais peu de personnes fiables. Il n'y en a pas beaucoup. Wa idha tumisatil akhira bi amali dunya. Et lorsque les gens et lorsque les gens rechercheront la dunya, l'argent, les hauts rangs, les positions, en accomplissant des actes de l'akhira. Comme talabul ilm. Une personne va faire talabul ilm pour qu'on dise alim. Une personne va faire talabul ilm pour qu'on lui donne un poste. Imam. Tiens, un salaire. Tiens ci, tiens ça. La personne va donc rechercher la dunya en accomplissant des actes de l'akhira. À ce moment-là, lorsque vous aurez ça, alors là, vous serez dans une fitna. Il y aura une fitna dans la communauté musulmane. Et le Ibn Mas'ud, les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mettait en garde contre les troubles. Et donc nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir guidés vers l'islam et la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَمَنْ يُشَاقِكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la voie, après que la vérité lui soit éclaircie, après que la guidée lui soit montrée, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, et qui suit une autre voie que celle des croyants. Qui sont les croyants? Ils sont divisés. Non, c'est pas ce qui est voulu ici. Les musulmans sont divisés, oui. Tu vois plusieurs mouvements chez les musulmans. Et donc les musulmans sont divisés, mais qu'est-ce qui est voulu dans ce verset? Est-ce que c'est les musulmans d'aujourd'hui qui sont divisés? Non, c'est les premiers musulmans, ceux qui ne se sont pas divisés. Les tout premiers, « Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin », cette personne-là suit une autre voie que celle des croyants. Les croyants qui ne se sont pas divisés, les meilleurs des croyants, « As-sahaba », les compagnons. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui étaient unanimes, « Al-aqidatin wa'ida », sur une même croyance. Et donc celui qui suit une autre voie que celle de ces gens-là, nous nous détournons de lui comme il s'est détourné et nous le faisons brûler en enfer. Et donc il est important, oh chers frères, qu'on suive l'islam. L'islam qui est la sunna. La sunna qui est celle qui a été appliquée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu anhum. Et qu'on remercie Allah de nous avoir montré cela. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir montré la sunna et de nous avoir permis de nous accrocher à celle-ci, de nous cramponner fermement à cette sunna en période de trouble. Et donc remercie Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit pour ce bienfait, afin que celui-ci perdure. On va arrêter inshallah ta'ala pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accroître notre guidée, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.